Au niveau de toutes nos activités, c'est la même chose. Au niveau du langage, c'est encore plus important parce que c'est par le langage qu'ils font connaître à l'homme ce qui doit être connu du mystère. Mais il faut que l'homme cesse de vouloir dire ce qu'il veut dire. C'est pas ses affaires ce qu'il a dit, là. L'homme vient ouvrir son canal, ça part. Puis il dit ce qu'il a dit. L'ego, pardon, l'ego doit s'habituer à ça, puis l'ego n'est pas habitué à ça. Parce que l'ego veut toujours donner de la valeur à ce qu'il va dire d'avant. Il veut s'assurer que ce qu'il va dire, ça va être bien compris. Il veut s'assurer que ce qu'il va dire, c'est bien ça. Il veut s'assurer de ne pas faire d'erreur. Fait que l'erreur, l'ego fait automatiquement interférence avec l'énergie vibratoire de la conscience universelle et supramentale. Faut que l'ego se désengage totalement de ce qu'il a à dire. Puis à ce moment-là, une fois qu'il s'est désengagé, pourquoi ces gens ne peuvent pas parler en public? Parce qu'ils veulent dire quelque chose. Voilà. Voilà. À moins d'avoir une bonne éducation, ils étudient des notes. Puis encore, ils ont une traque. Parce qu'ils disent qu'on se met le nez constamment dans leurs affaires. C'est pas de nos affaires ce qu'on a dit. C'est de leurs affaires. Ça, c'est bien subtil. Puis quand tu comprends, quand tu commences à comprendre ça, bien là, tu commences à parler une chose. Là, tu t'aperçois que tu en sais bien les affaires. Mais pour le vivre, ça, il faut que tu détruises l'insécurité de l'ego de vouloir dire ce qu'il veut dire. L'ego n'a rien à dire, parce que l'ego, il ne connaît rien. Mais il veut dire quelque chose. Imaginez qu'il connaît quelque chose. Mais il connaît rien, l'ego. Il connaît absolument rien. L'ego connaît rien, rien. Moi, ça fait 10 ans, je parle, puis je détruis des pommes. C'est une preuve que l'ego connaît rien. Tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris dans 10 ans, moi, c'est tout contre ce que j'ai, mon ego savait avant. Les gens disent, l'homme s'incarne. L'homme s'incarne pas, c'est l'ego qui s'incarne. Tu vois? Fait que là. Puis on vit constamment avec des erreurs de l'ego comme ça. Des bourrés comme ça. Moi, je n'ai pas le goût d'aller travailler en paix. J'essaie de me programmer, mais pas la semaine prochaine. Je vais aller me chercher une job. Puis, je vais avoir besoin de gagner. Puis, en dedans, je ne me vois pas avec le. Tu ne le vois pas parce que tu n'as pas la vibration, mais la semaine prochaine, tu vas te donner la vibration, mais tu vas y aller. Si tu vis dans l'anxiété d'aller de trouver un job la semaine prochaine, tu vas avoir une tension. Fait que là, tu n'as pas la vibration, tu couches tout et tu bois du coke. La semaine prochaine, tu auras la vibration, tu te lèveras et tu auras une job. C'est pas tes affaires de trouver un job la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera de leurs affaires de te faire trouver un job pour ton bien-être. C'est pas de nos affaires. Mais on met toujours des petits ingrédients dans notre vie. Puis on fait toujours de la vie nos affaires. Ça va nous mal. C'est pas tes affaires si tu ne travailles pas. Je ne Et ça, si là, je dis, ben là, c'est arrivé que. Tu sais, la soirée, lui, ta mère. Ouais. Mais à un moment donné, ça m'arrive aussi que ça me revient que tu dis, ben, organisez-vous, cherchez-vous un job, puis d'accord. Okay. Matériellement. OK, mélangez pas ce que je veux dire. Quand je vous dis, c'est bien subtil. Quand je vous dis, trouvez-vous un petit job, travaillez. Il y a des éléments essentiels de vie que vous devez avoir, le logement, la nourriture, le travail, l'argent, manger, tout ça. Ça, c'est pour les gens qui sont pris dans l'illusion spirituelle.

C'est pour ça que la fusion est importante pour au moins une personne, tout de suite. Parce que quand tu fusionnes avec une personne, quand même tu débattras Charlie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, il y a un homme qui m'a offert 100 000 piastres pour ouvrir un institut de sciences. Puis comme il contrôle ma parole, j'ai dit, c'est pas le temps, c'était fini. Ça, ça m'a sorti du trou tout de suite, tu comprends? T'as pas le temps. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me dit là? Il dit, écoute-lui objectivement. Mais quand je suis venu parler, puis qu'il me dit, t'as mis sa griffe, j'ai dit, c'est pas le temps. Quand tu dis, c'est pas le temps, t'es fusionné, c'est pas le temps que ça. C'est pas oui, m'a signé. Mais il s'occupe toujours de toi. Je n'ai pas travaillé pendant 10 ans de temps, moi. Je ne pouvais pas travailler. Là, vous avez le choix de travailler. Moi, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu m'as trouvé une femme, puis ma femme m'a aidé. J'ai rencontré des amis. Pourquoi est-ce que tu dis qu'on a le choix? Vous avez le choix parce que vous êtes encore dans l'illusion du choix. Vous avez encore le libre arbitre. Vous n'avez pas perdu votre personnalité. Vous n'avez pas fait le don de votre personnalité. Ça, je vous dis, inquiétez-vous pas. Attends. Tu te reposes, là, repose-toi. La semaine prochaine, tu auras la vibration, tu iras trouver une job. En attendant, regarde la vidéo. Mais c'est ton cas, c'est pas le cas posé. Si tu étais dans l'illusion de pas travailler, puis tu voudrais pas travailler parce que tu serais dans des illusions quelconques. Là, à ce moment-là, je dirais, trouve un petit job. C'est important que tu trouves un petit job. Mais dans ton cas, ce n'est pas le problème, ça. Parce que ce problème-là n'existe pas pour toi. Comprends-tu ce que je dis? Si elle ne répond pas parce qu'elle ne veut pas travailler. Il est timé. Juste Et plus on devient sensible à leurs énergies, plus on est obligé de vivre dans leur énergie, dans leur timing, pas dans notre temps. On vit toujours dans notre temps. Il faut en arriver à vivre dans leur temps. Puis leur temps, c'est pas notre temps. Nous autres, notre temps, c'est tout de suite. Leur temps, ça peut être dans 2 ans, 3 semaines. C'est là qu'on développe de la résistance. C'est là que la stress se transforme en mental. C'est là que la stress se transforme en mental. Sans ça, ils sont obligés de prendre des grands moyens. S'ils ne prennent pas des grands moyens, ils sont obligés de créer des situations. Peux avoir un job, tu peux arriver un matin sans job, tu as le faux de rien, comprends-tu? Ils vont te faire une erreur psychologique, le boss, il te met à la porte, tu perds ton job, t'es à la planche pour 2, 3 semaines, 2 mois, 2, 3 mois. Puis pendant ce temps-là, ben, ça fait du travail. Si t'es snap, tu sais, ça plante, tu restes à plante. Moi, s'ils font pas ma job, dans le cul, ben, tu sais que je prendrai. Mais l'ego fonctionne pas de même. L'ego, il se casse la tête. Tout au bout, l'ego. Prêt. Mais comme nous autres, à la fin du siècle, on reçoit de l'information. L'information. On reçoit de l'information. Puis l'information défie constamment l'ego. C'est pour ça que l'ego

fais le geste, c'est final. Toujours devenir maître de votre geste. Toujours devenir maître de votre geste. Jamais calculer si quelqu'un qui est d'accord ou pas d'accord de votre geste. Le moment que vous calculez si quelqu'un est en accord ou en désaccord avec votre geste, vous diminuez le pouvoir de votre geste. Vous diminuez le pouvoir de votre conscience, vous diminuez le pouvoir de votre créativité, vous retardez l'évolution de votre destinée. Vous retardez votre entrée dans la vie. L'homme doit en venir à être tellement sûr de lui, là, tellement centré, qu'il en devient. Il en devient quoi? Qu'il en devient névrosant. On va expliquer celui-là. Deux façons de gagner. Tu deviens tellement conscient là, que tu en deviens névrosant. Comment tu veux dire névrosant? Tout le monde comprend. Ouais. C'est ça. Ma femme appelle ça la névrose cosmique. Des fois, tu peux dire, wow, c'est assez. Parce que les vibrations, ça vibre tellement en bout de elle, là. Ça va être tellement, là, on peut dire, wow. Mais tu le contrôles, fait que, t'es pas capable, mais tu vois, puis t'es sûr de voir. Je sais pas que c'est le livre. C'est ça, je dis. Là, t'es bien. Parce que là, t'as plus de maître. T'as plus de maître. T'es maître. Tu comprends quand un grand nombre de personnes qui sont des maîtres puis qui se parlent, ça commence à faire de Josette, ça tape. Ça commence à être puissant, un noyau comme ça, dans une civilisation, dans un monde. C'est pas pour ce monde-là, un homme qui s'est fait. C'est pour l'autre. Il dit qu'il faut qu'on arrive à être tellement conscient qu'on sache qu'on n'est pas sur le plan matériel pour le plan matériel, qu'on est sur le plan matériel pour la transition vers l'éther. Il dit qu'on doit en venir être tellement conscient que c'est plus la terre matérielle qui nous intéresse, c'est l'éther. Ce qui passe sur le matériel en attendant, ça fait partie simplement de la transition. Puis éventuellement, tu vis à un point de conscience tel que la Terre devient très, très, très, très petite. Très petite. Tu viens éventuellement que tu souffres de l'espace. Tu en souffres de l'espace. Tu as toute place à aller. Tu peux payer Hilton. Tu vas à New York, tu vas à San Francisco parce que astralement, tu ne vis plus. Fait que ce qui arrive, c'est tout en dedans. Fait que c'est comme si tu prendrais le monde à l'extérieur, là. C'est tout en dedans que tu vis. Puis ça devient tellement intense, là, que tu viens extrêmement. Tu deviens tout compact. Puis tu pourrais rester. Tu pourrais vivre sainte-saine, puis pas griller, puis tu seras totalement conscient, puis éventuellement la vibration sera tellement grande que tu changeras de tout. Tu n'as plus besoin de la terre matérielle pour vivre. Rendu à ce point-là, mais tu changes de tout. C'est ça l'évolution. dans laquelle l'homme s'en va. Tout ce qu'il nous dit est en fonction de ça, parce que tout ce qu'il nous dit est en fonction de développer en nous les nuances de la psychologie de l'esprit dans notre mental humain. Pour qu'on en arrive à comprendre tout sans passer par l'intellect. Faut qu'on arrive à comprendre tout sans passer par l'intellect. Puis automatiquement, on développe en nous une centricité tellement grande qu'on n'est plus approchable. On n'est plus approchable. On est approchable si on veut, puis à part ça, on n'est pas approchable parce que tout ce qu'on a dit, ça déforme, ça déforme, ça déforme, ça déforme, ça déforme. Fait qu'éventuellement, tu ne peux plus parler avec n'importe qui. Parce que soit tu penses que tu es capoté, fait que tu perds de l'énergie pour rien. Fait que tu parles avec des gens qui te comprennent, puis s'ils ne sont pas là, ben tu es tout seul. Puis t'es bien. Parce que t'es jamais tout seul, quand t'es compris. Fait que tout le temps, pardon. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux, qu'on est bien dans notre corps, mais c'est on n'est pas heureux. C'est ça. C'est ça. On n'a pas la fin d'être heureux. C'est pour ça qu'on a voulu donner de la vie, mais aussi que je vais être heureux. Quand tu as besoin d'argent, tu l'as. C'est comme ça qu'ils vont te faire. Tant que tu n'as pas besoin d'argent, ils vont faire la table. Quand tu n'as pas besoin d'argent, tu vas y aller. Parce que quand on est dans l'ego, on travaille toujours en relation avec une planification. Mais quand tu travailles dans l'énergie, tu ne peux plus travailler en relation avec une planification. Enfin, quand tu n'as plus d'argent, là, ils font aller travailler. Normal. Depuis, là, ils font aller travailler. Mais tant que tu n'as, ben, ils font reposer. Mais l'ego ne veut pas les choses de même. L'ego est insécure. L'ego est totalement insécure. Totalement insécure. Totalement, totalement, totalement insécure. L'ego est insécurité. C'est ça qu'on ne vit pas, on existe. Quand tu es insécure, c'est parce que tu n'as plus de ta vie. Tu te dis, si tu regardes ça, si ta vie est pas tes affaires, c'est pas insécure. Mais tu ne peux pas savoir que ta vie, c'est pas tes affaires tant que tu ne sais pas. C'est quand tu sais que ta vie n'est plus de tes affaires que tu es plus dans l'insécurité. Mais tant que la vie, c'est tes affaires, t'es dans l'insécurité. Quand la vie, c'est plus tes affaires, puis t'es plus dans l'insécurité, parce qu'à ce moment-là, tu vis dans la vibration. Quand t'as compris que c'est ta vie, c'est pas tes affaires, je te veux que tu ne mettes plus d'insécurité. Non. C'est bien. Il faut que tu te comprennes. En même temps que ton propriétaire, il y a la même vue. Tout fait partie d'un tout. Tout est pris en considération. Comprenez-moi bien. Quand t'es pas en ballonne, vous imaginez que je laisse entendre que vous devez vous laisser aller à... Parce que c'est bien subtil, ça. OK, bon. D'abord, quand je dis quelque chose, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis quelque chose, j'implante une vibration qui, un jour, lorsque vous la sentez, vous permet de comprendre, de vous comprendre dans ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, ça devient clair pour vous autres. Mais si je vous dis quelque chose, puis vous le prenez avec encore de l'intelligence, vous allez déformer sans le vouloir ce que je veux dire. Si je dis à elle, c'est pas de tes affaires de trouver un job. Mettez la vibration, tu iras.